Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Les soldats étaient recrutés dans toute l'Europe. L'empereur Ferdinand II ne pouvait en aucun cas accepter de perdre la Bohême, car cela donnerait l'avantage au protestantisme dans l'Empire germanique. Cette semaine, les guerres européennes. L'historiographie mondiale s'accorde à dire que la bataille de la Montagne Blanche est la première bataille de la guerre de 30 ans. En tout cas, la première bataille importante. Catholicisme, protestantisme, nazisme. L'armée catholique était significativement mieux payée et mieux armée que les troupes des États de Bohême, lesquelles, après plusieurs mois de guerre, attendaient toujours leurs soldes. Cela a certainement joué. Le goût du sang. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Suite de l'entretien avec Claire Gantet, historienne, professeure d'histoire moderne à l'Université de Fribourg. Claire Gantet, pour revenir à ce phénomène de politisation des églises confessionnelles, qu'on essaie de comprendre un peu comment cette politisation se fait. Est-ce qu'elle se produit de façon interne à chacune des églises confessionnelles, ou ce sont des apports extérieurs qui politisent à l'intérieur les églises? En un sens, dans le Saint-Empire, dans l'Allemagne d'alors, il y a eu dès la réforme de Luther une politisation du débat religieux, puisque ce sont des princes qui choisissent de protéger Luther ou de le persécuter, pour ainsi dire, ou de l'opprimer. Hein. Donc la réforme fonctionne parce que Luther est protégé par son prince, qui est le prince électeur de Saxe et qui a un très fort pouvoir dans l'équilibre du Saint-Empire. Et lors de la diète de Spire, le différent religieux est discuté au niveau politique dans cette diète qui centralise donc la vie politique. Les États se rangent d'un côté de Luther pour ceux qui sont favorables à Luther. Les États qui sont opposés à Luther se rangent de l'autre côté. Les États favorables à Luther donnent à l'empereur Charles Quint un texte. C'était une possibilité ouverte par le droit, une protestation, et c'est à la suite de cela qu'on dénomme les luthériens des protestants, hein, c'est ce terme. Donc, il y a eu d'emblée une politisation du débat, au sens où la réforme n'a été possible que parce que ce sont des princes, hein, qui ont choisi de s'affirmer en faveur ou en défaveur de la réforme de Luther. Alors, par la suite, cette politisation, elle s'accroît, bien sûr. Prendre parti pour ou contre Luther, ça n'est pas seulement prendre parti ou contre pour un dogme qui se met peu à peu en place, hein, tout se fait dans la durée, mais peu à peu, ce différent entre les confessions intègre aussi des éléments qui n'étaient pas proprement religieux. Hein. Donc, d'une part, la répartition des pouvoirs dans le Saint-Empire, d'autre part, même la culture, le temps, le calendrier. Hein. Le pape introduit un nouveau calendrier en 1583 pour le réformer, pour le rendre plus moderne, et les protestants refusent, donc il y a un décalage des calendriers, etc. Donc, ce différent religieux, en fait, il aboutit aussi à une guerre parce que il intègre beaucoup plus que d'éléments proprement politiques, parce qu'il s'est diffracté dans l'ensemble de la société, dans des éléments aussi qui relèvent de la culture, du rapport au temps et du quotidien. Claire Gantet, on ne peut cependant pas regarder cet affrontement comme étant un affrontement strictement bipartite, je dirais, puisqu'à l'intérieur même de chacune des églises, il y a également des subdivisions et des courants. Oui, alors il est très important de montrer la pluralité des motivations des acteurs. Et dans ces motivations, on retrouve toujours plus ou moins la religion, mais alliée à quelque chose d'autre. Hein, la religion n'entre jamais pure en question. Et dans les éléments de départ de la guerre, comme je l'ai signalé, il y a des éléments dynastiques. Hein. Frédéric V accepte la couronne de Bohême par haine des Habsbourg, hein, et non pas par solidarité protestante. Son entrée à Prague se passe très mal, hein. Les calvinistes détestaient les images dans les églises, donc il commence à ôter toutes les images des églises de Prague, et ça choque énormément les nobles tchèques. Donc à l'intérieur du camp, il y a des façons de vivre la religion très différentes. La religion est elle-même entre à des degrés très, très divers, hein. En question, les armées, malgré des tentatives de les confessionnaliser, n'ont jamais été des armées confessionnelles. Le plus grand chef de guerre de Frédéric V, donc devenu roi de Bohême, le chef du camp protestant, son plus grand chef de guerre, c'est Ernst von Mansfeld, qui est catholique. Donc on a parfois des constellations très curieuses dans la religion. Donc on voit qu'elle joue constamment un rôle, mais on ne peut en aucun cas réduire la guerre en un affrontement binaire. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, le luthéranisme est né dans la Saxe. Or la Saxe, par loyauté impériale, reste neutre jusqu'en 1631 et ne s'engage aux côtés des protestants qu'entre 1631 et 1635. Donc dans la guerre, si au niveau des armées ou des principautés engagées dans la guerre, on peut dire que c'est une guerre entre protestants et catholiques entre 1631 et 1635, sur les 30 années de la guerre. Donc voilà, il faut toujours beaucoup nuancer et regarder les différents échelons dans lesquels joue la religion. Claire Gantet, donc revenons à ce phénomène de politisation des églises confessionnelles. On a saisi effectivement la multiplicité des courants et le fait qu'il faut entendre ça avec le plus de nuances possible. Comment s'opère ce phénomène de politisation ? Cette politisation, les historiens l'ont dénommée depuis les années 1980-1990 par le terme de confessionnalisation. Alors, ce terme a été inventé par deux historiens allemands, l'un catholique et l'autre protestant, Wolfgang Reinhardt et Heinz Schilling, pour montrer qu'il y avait une évolution parallèle de trois nuances chrétiennes qui sont le catholicisme, le luthéranisme et le calvinisme. Alors, ils disent que après la réforme sur laquelle s'était concentrée toute l'école historique allemande jusqu'alors, en délaissant ce qui se passait après la réforme, donc se mettent peu à peu en place des églises. On essaye de mettre en place un dogme et donc de former aussi des clergés, et qu'il y aura non seulement une construction donc d'églises désormais rivales, mais que les États, les différentes principautés du Saint-Empire vont se servir de ces clergés désormais bien mieux formés pour moderniser leur bureaucratie. Ils vont mettre en place des universités. Donc chaque territoire va se doter d'universités pour former des clergés et pour former des fonctionnaires. Et que l'effort mené par les églises pour former un clergé moderne et un clergé instruit va être tout à fait utile aux princes pour moderniser les États. Donc il y a en quelque sorte un parallélisme entre l'évolution religieuse, la gestation d'un État moderne, et cette tendance générale, il l'observe donc aussi bien dans des principautés catholiques, avant tout la Bavière, que dans des principautés luthériennes, il pense à la Saxe, ou dans des principautés calvinistes, et là il pense au Palatinat. Alors cette confessionnalisation qui se fait dans un esprit de plus en plus virulent aboutit à la formation de deux armées, la Ligue catholique et l'Union évangélique dans les années 1608-1610. Et donc les questions religieuses ne se règlent plus à la diète, mais en dehors de la diète, et désormais ne sont plus canalisées par le droit, mais vont devenir l'objet d'affrontements violents. Bo Eriksson, professeur, Université de Stockholm. Les soldats étaient recrutés dans toute l'Europe. L'empereur Ferdinand II ne pouvait en aucun cas accepter de perdre la Bohême, car cela donnerait l'avantage au protestantisme dans l'Empire germanique. Mais qui le soutenait? Il pouvait compter sur les États catholiques de l'Empire, comme la Bavière, mais aussi sur l'Espagne, dont le roi était, lui aussi, de la famille des Habsbourg. Et l'Espagne, à cette époque, était une monarchie très puissante. Le nouveau couple royal de Bohême, lui, avait le soutien de nombreux pays protestants, comme la Suède, mais aussi le Danemark, et les Pays-Bas, ou plus exactement la partie nord, la partie protestante des Pays-Bas, les Provinces Unies. Frédéric V et Élisabeth pouvaient également compter sur les protestants de l'Empire et sur l'Angleterre de Jacques Ier. Mais tout cela n'était que très théorique. En réalité, les intérêts de chaque pays rentraient en ligne de compte, et ceci était plus important qu'une coopération avec le couple de Bohême. Mais pour le moment, le plus simple était de se fier au peuple bohémien. Alors, on va peut-être revenir donc à ce conflit d'autorité qui naît au mois d'août 1619. Et donc, chaque chef recherche des alliances. Alors, les alliances se mettent en place, plus ou moins bien. Ferdinand II a de l'argent de l'Espagne, c'est aussi un Habsbourg qui est à la tête de l'Espagne à cette époque-là, donc il y a une unité dynastique. Et Frédéric V monte une armée qui est une armée faite de mercenaires, beaucoup venant d'Europe centrale, Moravie, Silésie, etc. Alors, il y a toute une période de poursuite un peu confuse. Et à l'automne, tout le monde veut en venir à bout. On sait que l'hiver va venir. En hiver, on ne peut plus faire de bataille. On est dans une période où le climat est beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui. Les historiens parlent d'un petit âge glaciaire. Donc en hiver, les armées ne se battent plus. Et donc, on se situe au début de novembre 1620, non loin de Prague, sur une colline, ce qu'on appelle la Montagne Blanche. Alors ça, Montagne Blanche, ça ferait rire n'importe quel Suisse, parce que c'est une colline, qui est donc à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Prague, donc presque au lieu de départ de la guerre. Hud Vlas, professeur, Université de Charles à Prague. L'historiographie mondiale s'accorde à dire que la bataille de la Montagne Blanche est la première bataille de la guerre de 30 ans. En tout cas, la première bataille importante. Et ce fut en effet la première confrontation décisive. Les soldats bavarois et impériaux sont au nombre de 28 000. Ils sont en bas de la colline et Frédéric V et son armée donc de mercenaires est en haut de la colline avec 21 000 soldats. Donc il est en minorité numérique, mais il a l'avantage bien sûr d'être au sommet de la colline. L'armée catholique était significativement mieux payée et mieux armée que les troupes des États de Bohême, lesquelles, après plusieurs mois de guerre, attendaient toujours leurs soldes. Cela a certainement joué. La majorité de l'armée des États de Bohême ne combattait pas. Certains régiments ne tiraient que la première salve pour respecter le code d'honneur militaire, puis quittaient le champ de bataille de façon plus ou moins ordonnée. Et cette bataille est une défaite absolument cinglante pour Frédéric V, qui doit désormais fuir, il va même s'exiler dans le nord des Pays-Bas, qu'on appelle les Provinces Unies. Et c'est la fin de son règne. Et on va l'appeler, par dérision, le roi d'un hiver, puisqu'il n'a été roi qu'à l'hiver 1619 et qu'il a dû tout de suite vivre. Donc ses troupes impériales, aidées du duc de Bavière, ont été galvanisées par un moine capucin d'origine espagnole, Dominique de Ruzzola, qui montre au conseil de guerre impérial, un ex-voto, une image sainte, dont on a crevé les yeux à Prague. C'était une image qui était présente dans une des églises de Prague. Et lorsque Frédéric V fait son entrée à Prague, une fois élu roi de Bohême, comme je l'ai dit, il veut détruire les images. Et il a notamment donc crevé les yeux, ou fait crever les yeux, de cet ex-voto. Et ce père capucin a retrouvé cette image, et on va retourner cette violence qui était une violence symbolique pour l'image de la Vierge, on va la retourner pour galvaniser d'abord le Conseil de guerre. Alors ce qui est un peu discuté parmi les historiens, c'est le fait de savoir si ça a seulement contribué à la prise de décision de la bataille ou si ça a aussi galvanisé les troupes. On n'est pas sûr que ce moine capucin ait aussi galvanisé les troupes en exhibant donc cet ex voto aux yeux crevés. Hud Vlas, historien polonais. Au moment de la bataille, Frédéric V était au château de Prague, où il avait organisé un banquet en l'honneur des ambassadeurs anglais. Quand il s'est rendu sur le champ de bataille, il était trop tard. En tout cas, la bataille de la Montagne Blanche a été vécue comme une bataille religieuse, ou en tout cas représentée comme une bataille religieuse. Après la victoire impériale, on a marianiser la ville de Prague en transformant les églises protestantes en églises catholiques, en mettant tout un cycle de fresques dans ces églises à la mémoire de cette bataille. À Rome vont être effectuées des processions, donc cet ex-voto aux yeux crevés va être apporté à Rome et on le fait défiler en procession. On dénomme une église Maria della Vittoria à la suite de cette bataille, etc. Donc c'est vraiment magnifié comme une victoire religieuse très forte. Nous interrompons cette émission pour une annonce urgente. Didier Duployer. Infotrafic RTS. Sur l'axe Yverdon-Morin, un poids lourd en panne perturbe la circulation entre le tunnel de Bruyères-Châble et Estavayer-le-Lac en direction de Morat. Et une information urgente de Didier Duployer, qui n'est pas là. Alors on va poursuivre l'émission d'Histoire vivante et on vous transmettra cette information quand le moment sera venu. Histoire vivante, cette semaine, les guerres européennes. Suite de l'entretien avec Claire Gantet. Claire Gantet, on pourrait imaginer qu'après la bataille de la Montagne Blanche qui voit la défaite de l'armée de Frédéric V, les choses s'arrêtent là, et puis pas du tout. Les événements vont au contraire se multiplier comme une sorte de réaction en chaîne. Alors quelles sont peut-être les premières réactions qui vont elles-mêmes entraîner d'autres réactions? Quels sont les autres pays, les autres nations qui vont entrer en guerre, encore que le terme de nation soit quelque peu anachronique? Alors, le Danemark va d'abord entrer en guerre en 1620. Le roi de Danemark était aussi duc de Holstein. Et à ce titre aussi, membre du Saint-Empire. Aussi curieux que cela paraisse, il avait aussi ce titre dans ses possessions, en tout cas ce duché du Holstein, et entre en guerre aux côtés des protestants. Donc effectivement, sauve la situation pour les protestants pendant un certain temps. Néanmoins, il est lui-même défait, il signe une paix séparée, se retire donc du conflit, il ne perd rien, il n'acquiert rien, mais ne perd rien non plus en 1625. Et ce qui va faire rebondir la guerre, c'est peut-être deux éléments très différents. C'est d'une part un édit de restitution édicté par l'empereur en mars 1629, qui revient à ramener quantité de terres dans l'Église catholique, quantité de possessions dans l'Église catholique. Cet édit ordonne la restitution des biens qui avaient été obtenus par les protestants depuis 1552. Et ça revient à un énorme transfert de terres. Et cela, en fait, fait basculer la Saxe, précisément, aux côtés des protestants. Et le deuxième élément qui fait rebondir la guerre, c'est l'entrée en guerre du roi de Suède, Gustave Adolphe. Bo Eriksson, professeur, Université de Stockholm. Près de 15 000 soldats suédois, menés par leur roi Gustave Adolphe II, débarquent en Poméranie et dans le Mecklembourg. Le roi de Suède prétend vouloir protéger les princes protestants contre l'empereur catholique et participer ainsi à la lutte des protestants contre les catholiques. Mais la majorité des territoires protestants restent neutres pour deux raisons. Ils craignent l'empereur et soupçonne Gustave Adolphe II de vouloir transformer la mer Baltique en une mer intérieure suédoise. Toutefois, la Suède reçoit le soutien de la ville allemande la plus importante, Magdebourg. Alors Gustave Adolphe argumente de cet édit de restitution pour justifier son intervention aux côtés des protestants. On sait néanmoins que la décision a été prise avant, et qu'il en va avant tout pour lui du contrôle de la Baltique, de questions commerciales et un peu territoriales autour de la Baltique. Donc pour lui, en tout cas, la religion vient plutôt comme un argument de propagande que comme une motivation profonde. En 1621, les Pays-Bas sont divisés. Dans la partie sud, les catholiques sont majoritaires et la région est sous influence espagnole. Ce sont les Pays-Bas espagnols. Dans la partie nord, les calvinistes sont majoritaires. Ce sont les Provinces-Unies. Ces deux partis s'opposent et sont en conflit depuis des décennies. Si des protestants entrent dans le jeu, on peut imaginer, puisqu'on va parler de réaction en chaîne, qu'en face, des catholiques à leur tour vont entrer sur le champ de bataille. Alors la France entre en guerre ouvertement en 1635 aux côtés du roi de Suède luthérien Gustave Adolphe. Donc cela bien sûr est très surprenant, cela a été très critiqué en France même, à la cour même, hein, il y avait un parti de catholiques fervents, ce qu'on appelait des dévots, qui ont très ouvertement critiqué l'alliance du roi très chrétien, du très catholique Louis XIII, avec le roi de Suède très luthérien. C'était Gustave Adolphe était lui-même un roi très pieux. Il s'agit là de l'influence de Richelieu, en l'occurrence, auprès du roi. Il s'agit là, oui, de l'influence de Richelieu auprès du roi. Alors Richelieu a été pris par Louis XIII comme son principal ministre véritablement à contre-cœur. Richelieu soutenait en fait la mère de Louis XIII, Marie de Médicis, et Louis XIII ne s'entendait pas du tout avec elle. Donc c'est une alliance à contre-cœur et en même temps Richelieu était très clairvoyant. Très intelligent, et Louis XIII a très bien vu qu'il était astreint à se soumettre à ses services. Par ailleurs, Louis XIII était un très très grand malade, hein. Il avait une maladie chronique de l'intestin et il est mort à 40-41 ans. Donc il n'avait pas la force lui-même de gouverner. Donc c'est effectivement Richelieu ici qui est cardinal de l'Église. Alors il est devenu cardinal de l'Église un peu par une succession de hasards. Néanmoins, c'est quelqu'un qui est très catholique. Et ça, toute sa vie, Richelieu a été très conséquent, très catholique. Lucien Belli, historien, Université de Sorbonne. L'aide de la France à la Suède est un moment essentiel de la guerre de 30 ans. C'est l'objet de ce traité de Berwalde de 1631, et ce traité prévoit donc l'intervention de 30 000 fantassins et de 6 000 cavaliers qui seront payés en partie par la France par un subside d'un million de livres. Alors pourquoi est-ce qu'un très catholique s'allie avec un très protestant? Voilà, c'est la question suivante. Richelieu fait dominer dans la politique d'une part la raison et distingue, si on peut dire, la fin et les moyens. La fin, c'est le règne de Dieu. Mais si pour obtenir le règne de Dieu, une alliance avec des princes protestants est nécessaire, il faut s'allier avec des protestants. La raison l'impose. Hein. Mais il est clair que la religion, pour lui, reste au-dessus de la raison. Hein. Donc, c'est quelque chose que veut la raison. Et par ailleurs, la raison voit aussi que la France est quasiment encerclée par l'Espagne. Les Pays-Bas du Sud sont espagnols, dépendent de l'Espagne. La Franche-Comté dépend de l'Espagne. Le Milanais est espagnol. Hein. Donc là, on a l'impression en France qu'on est encerclé par l'Espagne. Et lorsque la France va entrer directement, ouvertement en guerre en 1635, ce sera contre l'Espagne. Hein, et il y aura guerre contre l'Espagne. Alors bien sûr, aussi contre les alliés de l'Espagne, dont le Habsbourg. Mais on est d'abord en guerre contre l'Espagne. Alors pour revenir donc à l'alliance avec le roi de Suède dès 1631, là on parle de guerre couverte et non pas encore de guerre ouverte. Et c'est une sorte de troc. Hein. Richelieu se dit que pour faire de la France une puissance moderne, il faut bâtir une armée moderne. Donc il va faire appel au mercenariat en essayant de réduire le rôle des nobles, le rôle de la noblesse d'épée. Il va la réduire, hein, réduire l'orgueil des grands, comme il dit. Il veut construire une véritable marine et il a besoin pour ça de beaucoup de bois, justement de forêts. Et pour épargner les forêts françaises, il va faire ce troc avec le roi de Suède qui avait beaucoup de forêts. Donc il donne beaucoup d'argent au roi de Suède qui, en échange, lui donne beaucoup de bois. Voilà, c'est ce traité de Berwalde qui signe donc l'alliance entre la France et la Suède et permet à la Suède de remporter des victoires. Ce n'est qu'à partir de ce traité de janvier 1631 que la Suède remporte des victoires dans le Saint-Empire, aux côtés, en faveur des protestants. Demain, la suite de l'entretien avec Claire Gantet et de l'évocation de la guerre de 30 ans. Afin d'approfondir votre connaissance de la guerre de 30 ans, Arte a réalisé une série historique intitulée « L'âge de fer » dont vous entendrez toute la semaine quelques extraits. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.